Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande aux organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l'homme de conjuguer leurs interventions. Ainsi, ils pourraient même avoir leur mot à dire sur les rapports produits sur la défense des droits humains. Le directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, ex-CNED, demande à l'Obuha de reprendre rapidement les travaux de réhabilitation des classes qui a été interrompues afin de bien se préparer pour l'accueil des élèves à la prochaine rentrée scolaire. Et la commune Songa en province Bururi est dans le noir depuis 5 mois déjà suite à un transformateur en panne et certaines activités nécessitant du courant électrique sont par conséquent paralysées. Notre correspondant nous le dira. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l'homme au Burundi sont appelées à collaborer avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, pour la promotion des droits de l'homme au Burundi. Un appel du professeur Anaclé Nzohabonayo, vice-président de cette commission ce vendredi, au terme d'un atelier de renforcement des capacités de 2 jours. Les organisations présentes ont apprécié la mise en place des points focaux et le cadre de collaboration. Un reportage de Mireille Kanyangé. L'Association des femmes juristes au Burundi, AFJB, est l'une des organisations de défense des droits de l'homme ayant répondu à cet atelier. Diane Kanyangé est représentante légale de cette association et dit être prête à collaborer avec la CNIDH. On va continuer à faire notre travail d'accueillir les personnes qui viennent chez nous, mais cette fois-ci d'une façon... décentraliser et essayer de renforcer le mécanisme de communication entre les autres organisations qui œuvrent dans le domaine de la défense des droits des personnes, mais aussi en insistant sur le fait de faire un référencement si une fois on sent qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir aider ceux qui viennent vers nous. François-Xavier Ndaruzaniye de la Ligue Izere Ntiwihebure salue ce cadre. On avait besoin de ce cadre de collaboration, c'est-à-dire pour pouvoir effectivement mettre en place des rapports communs, de rapportage des violations des droits de l'homme à l'échelle nationale. Ce cadre manquait et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, quand cette collaboration va commencer à fonctionner, et il n'y aura plus encore des rapports erronés, des rapports qui ne reflètent pas la réalité. C'est une synergie qui permettra la promotion des droits de l'homme au Burundi en respectant aussi les principes de Paris, dit professeur Anaclé Nzohabonayo, vice-président de la CNIDH. Nous espérons qu'en se mettant ensemble, on va pouvoir continuer à aller de l'avant. L'autre chose, c'est la collaboration avec les institutions. Avec alors cette synergie des acteurs de la société civile qui viennent de tous les horizons et dans leur diversité, seront même les principes de Paris. Bon, je pense que ça va amplifier l'action de la CNDH. En réaction au récent rapport d'Amnesty International sur des violations qualifiées de graves des droits de l'homme au Burundi, le vice-président de la CNIDH fait savoir que cette commission prépare sa réponse. Ce rapport d'Amnesty International, ça fait partie des autres rapports sur lesquels nous demanderons la contribution de la société civile pour avoir des positions, des points communs en ce qui est des critiques, parce que le rapport d'Amnesty International, bien vrai, il y a des exagérations, mais il y a aussi quand même des points qui peuvent inviter l'administration du Burundi en matière de droits de l'homme à améliorer et à revoir la copie sur certains de ces points. Alors la réaction que nous allons préparer, à laquelle on pourra associer cela et qui viennent d'être désignés, c'est juste pour avoir un point, un consensus sur les réactions au regard de ces différents rapports, pas seulement le rapport d'Amnesty International, mais aussi nos propres rapports, parce qu'on a besoin d'améliorer, d'avoir des rapports de qualité. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tient sa 57e session du 9 septembre au 11 octobre sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, ex-CND, s'inquiète du retard mis dans la réhabilitation de 9 salles de classe, partiellement démolies par l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bouha il y a de cela 2 mois. Abbé Simon Zigirabarga demande à l'Obouha de reprendre en urgence les travaux de finissage de ces salles de classe afin de garantir une bonne rentrée scolaire. Gérard Niwigira. Le directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse, ex-CND, Abbé Simon Zigirabarga, dit que l'obstacle majeur à la rentrée scolaire prochaine est lié à l'arrêt des travaux de réhabilitation de son école par l'Obouha, surtout 9 salles de classe partiellement démolies en vue d'être réhabilitées. Au niveau des salles de classe, peut-être que nous allons connaître une difficulté. Une difficulté qui est venue du fait qu'il y avait des travaux de réhabilitation qui avaient été engagés par le ministère via l'Obouha. Des travaux qui maintenant se sont arrêtés il y a 2 mois, 3 mois. Et nous avons un bloc de 6-7 salles de classe qui maintenant n'est plus éclairé. Et parce que les fils électriques ont été arrachés pour préparer les travaux de réhabilitation. Nous avons 2 salles de classe qui devraient normalement être reconstruites. Et parce que ce n'est pas cimenté, il n'y a pas de faux plafond. Donc c'est beaucoup de travaux qui devraient être faits à ce niveau-là. Mais comme vous le constatez vous-même maintenant, je ne peux plus prétendre que les travaux vont être faits comme prévu. Il demande à qui peut l'entendre de reprendre vite les travaux pour que les 9 salles de classe soient fiables. Je lance un appel à l'Obouha, sinon au ministère aussi, à toute personne qui peut m'entendre, et pour faire d'urgence ces travaux-là qui n'ont pas encore été faits, et pour que ces classes-là qui ne sont pas éclairées, mais aussi ces 2 classes-là et qui devront être reconstruites et soient préparées pour accueillir les élèves. Contactez par téléphone le commissaire général de l'Obouha, docteur ingénieur lieutenant colonel Leonidas Niwigira, promet de reprendre le plus vite les travaux des chantiers les plus urgents, dont celui de réhabilitation de 9 salles de classe et du lycée Notre-Dame de la Sagesse. Depuis Gitega, Jean Niwigira pour Radio Isangani. Éducation toujours, le prix de certaines fournitures scolaires, surtout des cahiers, a grimpé au marché de Kayanza d'un prix variant entre 1 000 et 1 500. Comparativement à cette même période de l'année dernière, c'est au moment où le prix des uniformes scolaires de l'école primaire est passé de 10 à 20 000 francs burundais et plus. Les parents d'enfants demandent au gouvernement burundais de réguler les prix des matériels scolaires pour éviter la spéculation chez certains commerçants. Patrick Saint-Guillaume. Les habitants de la province Kayanza, parents d'élèves contactés lorsque nous les avons rencontrés au marché de Kayanza, nous ont confié que les cahiers sont plus chers qu'ils ne l'étaient l'année passée. Le prix d'un cahier de 100 feuilles, par exemple, varie entre 2000 et 3500 selon la variété, alors que d'après ces habitants, l'année passée, le prix était moins cher que celui-là. Un cahier de 60 feuilles s'achète entre 1500 et 2000 francs selon la variété, selon les mêmes sources. Le prix des uniformes scolaires des enfants des 3 premiers cycles de l'école fondamentale a aussi beaucoup grimpé selon les acheteurs contactés. Ils disent que l'uniforme scolaire qui s'achetait l'année passée à 12 000, aujourd'hui coûte entre 18 et 23 000. La situation se présentait ainsi au marché de Kayanza, au moment où un stylo de marque Bic aujourd'hui coûtait 1 000 francs, alors que les 2 derniers mois, son même stylo s'achetait à 500 francs seulement. Les habitants de la province Kayanza tirent la sonnette d'alarme en invitant le gouvernement burundais à intervenir dans la réduction des prix des matériels scolaires et dans la lutte aussi contre la spéculation chez certains commerçants, expliqua que les élèves issus des familles démunies pourront ne pas aller à l'école l'année scolaire qui commence bientôt les jours à venir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick, on termine ce dossier éducation par cette distribution faite ce vendredi au chef-lieu de la province Mwaro par l'association Heathen Help Children. Dans kit scolaire à 95 élèves de cette province à raison de 15 élèves par commune, originaires de familles aux moyens limités. Le conseiller socioculturel du gouverneur a recommandé à ses bénéficiaires d'en faire un bon usage et surtout de bien travailler en classe. Laurent Dikourio. Ces élèves de la province Mwaro provenant des familles aux moyens limités ayant reçu son matériel scolaire de la part de l'association Hyphen Help Children, son nombre de 95. Selon Julien Gajikouzi, représentant légal suppléant de cette association, 15 élèves proviennent de chaque commune de cette province et sont tous au niveau de l'enseignement post-fondamental. Il souligne que 5 parmi ces élèves étaient déjà aidés par cette association. Kachikouzi Julien, représentant légal de cette association, dit que 12 élèves les plus vulnérables parmi ceux-là vont continuer à recevoir de cette association un appui formé par le paiement des frais scolaires et l'octroi du matériel scolaire durant tout le cursus jusqu'à la fin des humanités. Certains de ces élèves témoignent qu'ils éprouvaient des difficultés pour avoir le matériel scolaire à l'approche du début de l'année scolaire. Julien Gajikouzi demande à ses élèves de prendre soin de ces matériels scolaires et de garder un bon comportement. Clavin Groubé, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Moaro, lui emboîte le pas. Il conseille à ses élèves de s'atteler au travail scolaire, d'éviter la distraction afin d'être dans l'avenir utile à leur famille et au pays. De moi, Laurent Dikouliou, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certaines activités nécessitant du courant électrique sont paralysées au chef-lieu de la commune Songa de la province Bururi suite à un transformateur qui est en panne depuis 5 mois. Les habitants de cette localité et ceux qui exerçaient leurs activités demandent à la régie des eaux de le réparer ou le remplacer pour qu'ils reprennent leurs activités. Au niveau de la régie des eaux dans la région sud, on indique que les procédures de demande d'un autre transformateur sont en cours. Zénon Zambiman. Les propriétaires des sociétés publiques, des moulins, des ateliers de soudure et d'autres exerçant les activités nécessitant du courant électrique à Ruvumvu au chef-lieu de la commune Songa cognent que leurs activités sont paralysées depuis 5 mois suite au manque de courant électrique. Certains services qui nécessitent du courant électrique ne sont plus offerts aux malades qui consultent les structures de soins de cette localité suite au manque de ce courant électrique selon les informations sur place. D'autres grognes se font entendre également chez les employés des différents secteurs et vont au chef-lieu de la commune Songa. Ils disent que même les rapports sont aujourd'hui transmis très tardivement suite à ce manque de courant électrique. L'administrateur de la commune Songa indique que ce manque de courant électrique est dû au transformateur en panne depuis le mois de mars de cette année. Damien Gendakulio confirme qu'il a déjà informé la régie des eaux sur ce cas, mais attend toujours sa réaction. Les informations en provenance de la régie des eaux dans la région sud du Burundi indiquent que les procédures de demande d'un autre transformateur pour remplacer celui qui est en panne sont en cours. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Et une rencontre entre les villes riveraines du lac Tanganyika est projetée et devrait avoir lieu dans les prochains jours à Rumonge. C'est l'une des décisions adoptées par les maires membres de la plateforme des autorités locales des pays des grands lacs africains, telle que communiquée par le secrétaire exécutif de cette plateforme ce vendredi à Rumonge. Suivez ces précisions recueillies par notre correspondant Jean-Pierre Misago. Ils encouragent la tenue dans les prochains jours une rencontre entre les villes riveraines du lac Tanganyika pour échanger sur les questions de l'environnement, le commerce transfrontalier, le sport et la culture sous l'initiative de l'administrateur de Rumonge avec la participation du maire adjoint de Bukavu, du maire d'Uvira ainsi que celui de Bujumbura. Les maires lancent un message de solidarité aux populations déplacées internes des villes de l'Est de la RDC, victimes des atrocités de la guerre. Les maires compatissent avec les populations des villes de la RDC et du Burundi, victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika. Ils expriment un message d'amitié, de fraternité et de confiance aux maires qui n'ont pas été en capacité de se rendre à l'Assemblée générale de Rumonge. En actualité internationale, le Nigeria a enregistré 8 nouveaux cas de la maladie Mpox dans la période du 19 au 25 août, portant le nombre total des contaminations en 2024 à 48, selon les données publiées vendredi par le Centre nigérien de contrôle des maladies. Le Mpox est désormais présent dans 20 États de la Fédération Abuja. La capitale n'est pas épargnée. L'organe précise par ailleurs que les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés par l'épidémie. Aucun décès lié au virus n'a été signalé. Sur le plan de la riposte, le pays a reçu de Washington 10 000 doses de vaccins contre la maladie. Malgré le nombre de cas sur le continent, l'OMS reste optimiste. Son directeur général, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirme que l'épidémie pourrait être stoppée dans les 6 prochains mois. Et les vaccins contre Mpox, également appelés la variole du singe, arriveront effectivement en République démocratique du Congo dans les prochains jours et d'autres devraient y suivre. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi 30 août. Selon l'OMS, environ 230 000 doses de vaccins produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic serait immédiatement disponible pour être envoyé dans les régions touchées. La plus grande partie des vaccins sera acheminée vers la République démocratique du Congo, le pays le plus touché par le nouveau variant du Mpox, avec plus de 18 000 cas signalés, dont plus de 5 000 dans les provinces du Nord et Sud de Kivu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas le bouton, les programmes continuent et je vous rejoins pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Renaissance prometteuse, titre Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. Et c'est pour évoquer le bon état de navigabilité du bateau MV Musumba 1 après une reconstruction au port de Kigoma en Tanzanie en raison d'une erreur de construction initiale qui risquait d'entraîner son naufrage. Il est retourné au port de Bujumbura le 13 août 2024, transportant 800 tonnes de marchandises, ajoute ce journal. Ce nouveau venu dans le secteur du transport burundais est un bateau mixte destiné à assurer les liaisons entre les ports installés le long du lac Tanganyika avec une capacité de 1500 tonnes de marchandises équivalente à celle de 30 camions, précise ce confrère. Selon l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique, ce succès est assorti d'un bémol. En effet, le transport maritime reste sous-exploité. Pourtant, il est moins coûteux et offre une sécurité relativement rassurante. Malheureusement, regrette-t-il, les transporteurs et les opérateurs économiques locaux préfèrent le transport routier. Pour ce confrère, il semble accorder plus de valeur à avoir une cinquantaine de camions stationnés que de voir un seul bateau naviguer sur le lac, ce qui leur donnerait une certaine estime auprès du voisinage. Son propriétaire, l'entreprise Musumba Cargo, travaille actuellement à la mise en circulation d'un autre bateau, le MV Musumba 2, un paquebot, révèle Burundi Echo. Le ciment Buseko n'est pas fourni en totalité en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi, rapporte l'agence burundaise de presse, qui fait remarquer que le fournisseur devrait faire parvenir à la zone Maranvia deux camions de 730 sacs de ciment chacun, c'est-à-dire 1460 sacs au total par mois. Mais un seul camion est fourni, un autre est volatilisé et le ciment est vendu à un prix exorbitant de 60 000 francs burundais aux gens qui sont en train de construire. Lors d'une réunion des chefs de service et des administrateurs communaux, le gouverneur de la province de Bujumbura, Désirin Senguiyumva, a recommandé aux administrateurs communaux de tenir des réunions des fournisseurs, de les suivre de près afin d'empêcher cette spéculation sur les produits de grande nécessité. Revue de la presse. Un reçu de contribution aux élections exigé pour avoir du sucre en commune de Nyanzalak, constate le journal Net Press. Selon plusieurs sources sur place, la contribution minimale par ménage est de 2000 francs burundais et les jeunes du parti au pouvoir passent sur les points de vente du sucre pour voir si cette mesure est respectée. Ce qui a étonné beaucoup de personnes, c'est que même ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir devaient montrer ce reçu pour être servi en sucre. Ce journal en ligne rappelle que la gouverneure de la province Makamba avait recommandé de commencer à servir du sucre à des personnes vulnérables comme des personnes âgées, des femmes enceintes et des femmes allaitantes, des personnes handicapées des orphelins et des veuves et signale que ces contributions sont en train d'être collectées dans plusieurs localités par le parti au pouvoir. Confiscation abusive des deux roues à Bujumbura, la colère gronde, constate Iwachu, qui explique que malgré des autorisations en règle délivrées par la mairie, de nombreux citoyens voient leurs vélos et motos confisqués par les forces de l'ordre. Cet hebdomadaire rappelle que la mairie de Bujumbura avait initialement instauré ses papiers d'autorisation pour les déplacements privés à deux roues en réponse à la décision d'interdiction de ces derniers dans certaines zones à partir du 21 mars 2022. Toutefois, nuance son confrère, il est également important de noter que certains individus profitent de cette situation pour contourner la réglementation en utilisant de faux papiers. On termine cette revue de presse par ce fait suffisamment rare et qui n'a pas échappé à notre confrère NetPress. Deux personnes foudroyées en pleine saison sèche. Le drame s'est passé le 29 août 2024 vers 14h quand une foudre s'est abattue sur le domicile du chef de colline Garocha de la commune de Guitobé dans la province de Kirundo. Deux enfants de ce chef de colline, l'un de 5 ans et l'autre âgé de 17 ans, sont morts sur le champ au moment où deux autres blessés ont été dépêchés à l'hôpital pour soins intensifs. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.